L'éclairage public se coupe à 23 heures. Pour stationner ici toute la nuit, je dois laisser les feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D.